FG 98.2, la radio des scotchés. à l'écoute d'FG 98.2, il est pratiquement 16h. FG 982. Les animateurs répondent à toutes vos questions. 3615 FG 982. We'll be right back. Thank you. Just jump back into the crash.